Manon Lescaut. Les instructions russes prescrivaient impérieusement de ne jamais contredire de vive voix la personne à qui on écrivait. On ne devait s'écarter sous aucun prétexte du rôle de l'admiration la plus extatique. Un soir, à l'opéra, dans la loge de Madame de Fervaques, Julien portait au nu le ballet de Manon Lescaut. Sa seule raison pour parler ainsi, c'est qu'il le trouvait insignifiant. Dans ce genre immoral et dangereux, Manon Lescaut, dit la maréchale, occupe, dit-on, un des premiers rangs, ce qui n'empêche pas votre Bonaparte de prononcer à Sainte-Hélène que c'est un roman écrit pour des laquais. Ce mot rendit toute son activité à l'âme de Julien. On a voulu me perdre auprès de la maréchale. On lui a dit mon enthousiasme pour Napoléon. Comme il prenait congé de la maréchale, sous le vestibule de l'opéra, « Souvenez-vous, monsieur, lui dit-elle, qu'il ne faut pas aimer Bonaparte quand on m'aime. » « Quand on m'aime ? » se répétait Julien. « Cela ne veut rien dire. Ou veut tout dire ? Voilà des secrets du langage qui manquent à nos pauvres provinciaux. Je produis une impression, se dit-il, dont je puis m'épargner l'ennui du reste de la soirée. » Il sortit en courant de l'hôtel de Fervaques. C'était le contraste de l'apparente légèreté de ses propos avec la profondeur sublime et presque apocalyptique de ses lettres qu'il avait fait distinguer. Cette dame était profondément frappée de tout ce qui ressemblait à une nouveauté, mais en même temps, elle croyait se devoir à elle-même d'en être offensée. Elle appelait ce défaut « garder l'empreinte de la légèreté du siècle ». Pendant tout le temps usurpé dans la vie de Julien par l'épisode Fervaques, Mademoiselle de La Mole avait besoin de prendre sur elle pour ne pas songer à lui. Son âme était en proie à de violents combats. Quelquefois, elle se flattait de mépriser ce jeune homme si triste, mais malgré elle, sa conversation la captivait. Ce qui l'étonnait surtout, c'était sa fausseté parfaite. « Quelle profondeur !» se disait-elle. Toutefois, Julien avait des journées affreuses. C'était pour accomplir le plus pénible des devoirs qu'il paraissait chaque jour dans le salon de la maréchale. Ses efforts pour jouer un rôle achevaient d'ôter toute force à son âme. « J'ai vaincu le désespoir au séminaire, » se disait-il. Pourtant, quelle affreuse perspective j'avais alors. Le printemps suivant, 11 petits mois après seulement, j'étais le plus heureux peut-être des jeunes gens de mon âge. Mais bien souvent, tous ces beaux raisonnements étaient sans effet contre l'affreuse réalité. Chaque jour, il voyait Mathilde au déjeuner et à dîner. D'après les lettres nombreuses que lui dictait M. de La Mole, il la savait à la veille d'épouser M. de Croisenois. Quand il avait cru voir que Mlle de La Mole traitait bien son prétendu en rentrant chez lui, Julien ne pouvait s'empêcher de regarder ses pistolets avec amour. « Ah ! Que je serais plus sage, se disait-il, de démarquer mon linge et d'aller dans quelque forêt solitaire à 20 lieues de Paris, finir cette exécrable vie. Grand Dieu, pourquoi suis-je moi ?